Énergie, alors que le jour n'est pas encore levé, nous on est là. On est là en pleine forme à 4h du mat là, sur Énergie, c'est Cédric, bienvenue. La playlist Énergie pour vous tous, on écoute Alvaro Soler, MHD, puis le meilleur de Mickaël, le Rico Choco et le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Causando impresión, cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. Bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, besito a besito mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. Voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí que ya no puedo parar. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Mi cintura, cintura. Vous êtes sur Énergie, bonjour tout le monde, bon réveil, j'espère que tout va bien ce matin, que vous êtes tous bien dormis, c'est Cédric, c'est le meilleur d'Énergie. Tout ce qui se passe à la radio avec le meilleur de Mickaël, 23h chez Gnis sur Énergie. On a parlé garde à vue dans l'émission semaine dernière, on se fait ça maintenant, derrière on écoute MHD sur Énergie, bon réveil. Appel bienveillant donc, avec Amina va encore être fière de la police. Dites-moi. Alors à Haïti, il y a un couple qui faisait l'amour dans sa voiture quand la police est intervenue pour poster une vidéo sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils sont en garde à vue. Attends, la police est venue les filmer ? Là, à Haïti, un couple faisait l'amour dans sa voiture quand la police est intervenue pour poster une vidéo sur les réseaux sociaux. Mais on dirait une dictée, tu peux pas me répondre normalement ? Bah oui. T'as pas entendu ou quoi ? Ok. D'accord, donc en fait, eux étaient dans leur caisse pour les réseaux sociaux. Je te jure, j'ai pas compris. C'est pas grave. Bon, Christophe, explique. C'est très simple, donc des gens font l'amour dans la voiture. Oui. Les policiers arrivent. Oui. Au lieu de les arrêter, qu'ils filment. Ils filment et ils matent. Une fois qu'ils ont fini, ils postent sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais c'est interdit. Oui, bah merci. C'est pour ça qu'ils sont en garde à vue. Police est en garde à vue. Voilà. Au moins ils connaissent l'endroit, tu me diras. Voilà. Exactement, ils connaissent les bons plans, tout ça, tu vois, les meilleures cellules. Bon, on réexplique. Oh là là. Bon, donc Tof, tu vas prévenir tes amis qu'il faut faire attention. Ah bah oui, évidemment. Eh ben, évidemment. Donc grâce au numéro que vous envoyez chaque soir sur toph@energie.com, eh bien nous allons pouvoir vérifier ça immédiatement, enfin vérifier, prévenir en tout cas immédiatement. Allez hop, c'est parti, on y va, on appelle le premier numéro de la soirée et je rappelle que si vous avez des numéros de téléphone, c'est donc anonyme, vous pouvez envoyer tout ça sur toph@energie.com. C'est parti. Mauvaise chance. Casse-burne. Oiseau de mauvais augure. Oui, allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Oui, je vous appelle parce que je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà fait l'amour dans votre voiture, monsieur ? Oh, ça m'arrive le week-end. Ah oui, ben, faut faire attention monsieur, hein, parce qu'il y a des gens qui filment et après ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Mais donnez-moi l'adresse, comme ça on va passer. Ah mais moi je la connais pas, mais par exemple à Haïti, là il y a des policiers, ils ont filmé des gens en train de faire l'amour dans leur voiture et après ils ont mis la vidéo sur les réseaux sociaux. Monsieur, moi c'était pour vous prévenir, hein, faites attention. Moi ouais, je suis en ok. Voilà, bon, tu une bonne soirée monsieur. Tu m'entends? Oui, je vous entends. Hey, gros fils de pute, viens, je vous t'enculer ta mère là, donne-moi ton adresse. Alors moi je suis 22. Ah tu fais moi le malin, tu pédé, va, donne-moi ton adresse. Alors 22. Donne-moi 22, vas-y, donne. Alors ensuite après c'est R-U-E. Allô monsieur? Oui, il est parti. Ah bah voilà, hop là, on va le rappeler. Hein. Ah bah oui. Il avait l'air charmant au début, et puis tout à coup il a brillé comme ça, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, on va le rappeler. Pas très gentil ce monsieur. Allô? Oui, je m'excuse monsieur, on a été coupé. Bon, allô? Oui, allô monsieur? Ouais. Oui, non, je disais, on a été coupé parce que du coup vous avez pas le temps de me dire si vous avez fait l'amour dans votre voiture. Mais tu sais que gros fils de pute, j'ai ton adresse, j'ai tout là qui s'est affiché là. Ah oui? Ah d'accord, ouais. Et vous passez dans combien de temps? Bah je vais venir et je vais t'enculer, il y a un gros noir à côté de moi, il va te mettre un coup de batte de baseball. Ton oreille elle va gonfler, tu vas tomber par terre tellement que tu vas avoir mal et tu vas te pisser dessus, ça va fils de pute? Bah pas du tout monsieur, pourquoi vous dites ça? Ah t'es une petite tapette toi, hein. T'es une grosse salle, t'aimes bien qu'on t'insulte, une grosse merde, bah, t'es vraiment une grosse pute à appeler comme ça en numéro privé. Hein. Non, c'est parce qu'en fait, maman l'a chipoté dans la box et depuis le numéro il s'affiche plus. T'as pas compris, je vais venir et je vais t'enculer là, j'ai tout ce qui t'est affiché, ça que tu comprends pas. Et moi je vais venir, je vais te casser ta porte et je vais prendre ta tête et je vais te la mettre entre la porte et je vais la claquer comme un fils de pute et je vais t'enculer ta mère, ça te va? Mais pas du tout monsieur, pourquoi vous dites des choses comme ça? Tu sais quoi, tu peux m'appeler toute la nuit parce que là je suis bouillant, là je suis bourré de gaz là. Là je suis bourré de gaz jusqu'à fatiguer, tu peux m'appeler jusqu'à 6h, 7h du matin. Là, je peux même venir pour te faire montrer comment j'ai des couilles. Ah bah, me dites pas ça, monsieur, je vais être obligé de vous rappeler. Alors que vous pourriez juste répondre à la question. Non, mais appelle-moi, j'adore ça, j'adore quand on m'appelle. C'est vrai ? Non, PD, ça se dit pas, monsieur, c'est homophobe, c'est pas bien de dire ça. Eh ben, moi, je t'encule toute ta famille, d'accord ? Oh non, monsieur, non. Allô ? Ah bah, il est où qu'il est en pleine forme, lui, hein ? Ah bah, un homme charmant. Ah bah, on le rappelle, tiens. Allô ? Oui ! Bah, non, bah, vous m'aviez dit de vous rappeler, monsieur, moi, je vous rappelle, hein. Ah mais tu peux me rappeler toute la soirée, je suis bouillant là. Ah bah tant mieux. Et donc alors vous avez fait l'amour dans votre voiture ou pas monsieur? Mais carrément, vas-y, alors c'est quelle adresse? Vas-y on va venir. Alors c'est 22, mais je croyais que vous l'aviez sur votre machine. Ça marche plus bien? Non mais c'est pour voir si t'es une baltringue ou pas. Allez, ah oui, alors c'est 22 R-U-E. C'est bon. Et Boileau monsieur, comme le poète. Non je disais donc R-U-E. Et Boileau, monsieur, comme le poète. Donne-moi le département, là. Ah, pardon, c'est à Paris, monsieur, dans le 16e arrondissement. Ah, c'est bizarre, on n'intervient pas là-bas. Ah, bah oui. Bah, en même temps, j'ai jamais dit que j'avais besoin d'une intervention. Hein. Moi, je veux juste savoir si vous faites l'amour dans votre voiture. Non, là, c'est violent, là, c'est trop violent. Ou même dans votre camionnette. Attends, rappelle-moi dans 10 minutes, parce que là, je suis en train de travailler. Là, moi, j'ai un métier contrairement à toi. Ah, oui, moi, je suis chômeur, monsieur, c'est pour ça que j'ai le temps de vous appeler. Mais ça se voit, grave. Espèce de merde. Là. Bon, parfait, allez, je vous rappelle dans 10 minutes, monsieur, à tout de suite. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Elle habite dans ma ville. Quand elle me croise, elle me vesquille. 5 ans que je la vois. Dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr. Même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute. Elle m'ignore grave. La go m'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine. Je devrais pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait, elle m'attire, comment lui dire? Une histoire d'amour peut attirer en lui. Hey, hey, ma belle, aïe, aïe, aïe, aïe. Mon cœur va chez. Pour toi ma bella, aïe aïe aïe aïe.

I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep-sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Time flies by in the yellow. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, someone, someone, someone. Et bienvenue tout le monde, vous êtes sur Énergie. Salut, salut, jusqu'à 10 000 euros à gagner cet après-midi sur Énergie dans le Cash Cash Énergie chez Koé à 17h30. Vous envoyez Koé au 7-10-12 pour jouer avec nous tout à l'heure. D'ici là, on écoute VG Dream, Z, Amir et le meilleur de Koé sur Énergie. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Voici en tout cas le résumé du centenaire de la Première Guerre mondiale. Peut-être qu'il y en a qui ont été très... Moi j'étais le matin, j'étais sur BFM TV. Ouais, pareil. Ouais. En me réveillant dimanche matin avec la gueule en coin, j'ai regardé. J'ai vu qu'ils se sont pris une pluie. Oui. Mais une pluie, vous savez, ça change, hein. Ça rappelle quelque chose. Non mais ça change, parce qu'avant Macron il était au top des sondages, voilà. Il faisait toujours beau quand il sortait, il c'est commence vrai. À se prendre la pluie sur la gueule comme Hollande. Ah, pas bon signe, pas bon signe. Là je pense qu'Hollande il était devant la télé dimanche parce qu'il n'y est pas allé, il était devant la télé, il a dû dire ça commence. Il se prend de l'eau sur la gueule comme moi, exactement pareil. Chacun son tour. En attendant, il y avait 70 chefs d'État qui étaient présents à Paris, donc la phrase d'accueil de Macron sous la pluie était... Mais il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau. La chanson sur la petite phrase de Trump qui avait dit « Si autant de chefs d'État se sont déplacés en France pour le 11 novembre, c'est pour me voir, moi. » Sinon, on a pu voir que c'était chaud bouillant entre Manu et notre président et Angela. S'ils se sont câlinés, c'est vrai, hein, Manu lui aurait dit à l'oreille Angela. Je vous traduis pas, c'est de l'allemand. Ouais. Par contre, quand Angela parle à Trump, c'est pas la même ambiance. Fürchtet euch nicht. Die Sonne scheint mir aus den Augen. Ça veut dire j'aime tes cheveux. Dédicace d'ailleurs au ministre danois qui a raté la cérémonie. Apparemment, il kiffait son hôtel à Paris. Poutine, lui, est passé en coup de vent sans maman. Du coup, il a dû rentrer vite fait et il s'est fait engueuler comme tout le monde. Où t'étais ? Invité par des potes à une de fer. On s'amusait bien, je n'ai pas vu l'heure qu'il était. Ah ouais, c'est vrai. Bon, la suite, vous la connaissez. Pendant ce temps-là, le ministre danois était toujours dans son hôtel en train de faire l'inventaire. Sinon, oui, ouais, compris. Sinon, rien de foufou, rien de transcendant, tout le monde s'est dit au revoir. À part le Danois qui est toujours pas sorti de l'hôtel. 5h du mat sur ma montre suisse. Ring ring, j'appelle le room service. J'vide le minibar, j'me roule un petit. Elle sort de la douche, la soirée n'est pas finie. Tant mieux pour vous. 5h du mat, ça, ma montre suisse. 17h, 20h, c'est Coé sur Énergie. Et ça c'est VG, tu me dégagnes, oh. Pour le bol, Énergie, on est mardi matin, c'est Cédric. Bon réveil, j'espère que ça va pas trop dur. Voilà, petit café normalement, ça devrait le faire. On écoute la playlist Énergie avec Amir et Bad Bunny pour la suite. Et puis le meilleur de Mickaël, ça 23h tous les soirs sur Énergie en direct. Et la suite de notre histoire de garde à vue là sur Énergie, écoutez. Dans les appels bienveillants, parce que là on a appelé visiblement un mec qui est très dans les serrures. Oui, c'est ça. Et donc du coup, il était sur l'intervention là, mais ça l'a pas empêché d'insulter Toff de tous les noms. Mais donc du coup, fallait qu'on le rappelle maintenant. Donc il avait dit, rappelle-moi l'heure du minute, tu vas voir. Bon, alors du coup, c'est parti, on y va. Le client devait être content. Oui, ah bah ça c'est sûr. Bon, on n'est pas vraiment à 10 minutes, certes, mais enfin bon. J'espère qu'il répondra pas. Oui, bah ça, je sais très bien comment t'es. Très bien fait. Qu'est-ce bien, alors que tous les auditeurs attendent que ça, de rigoler, mais non, comme une minute, une mauvaise personne. Allô. Oui, allô. Oui, ça va. Bah oui, ça va, parce que du coup, voilà, vous m'aviez toujours pas dit si vous avez fait l'amour dans votre voiture. Bah justement, je... mais c'est que c'est ça le problème. C'est-à-dire? Bah c'est ça. C'est ça quoi, monsieur? Je comprends pas. C'est qu'il y a des gens qui n'ont même plus les moyens de se payer un beefsteak. Et mais c'est quoi le rapport avec votre voiture? Le problème c'est ça le problème aujourd'hui. Bah je ouais. Mais je comprends pas, monsieur, parce que moi je veux juste savoir si vous avez fait l'amour dans votre voiture, monsieur, c'est tout. Ah mais je savais pas que tu étais un coquin comme ça. Mais non, moi je suis pas un coquin, monsieur, hein, pas du tout, hein. Tiens, je te passe mon papier là. Oui, d'accord. En 10 minutes il est torché, hein. Ouais, la couille, comment ça va? Bah, ça va, et donc vous avez déjà fait l'amour dans votre voiture ou pas? Ouais, avec ta mère, ouais, j'étais avec ta mère. Ouais. Ah, oui, d'accord. Et sinon, à part avec ma mère? Bah, non, par contre, t'as raison, tu te fais vraiment chier, toi, par contre, dans ta vie, non? Bah, pas du tout, je suis au chômage et moi j'aime bien appeler les gens pour partager des bonnes nouvelles avec eux, monsieur, c'est tout? Ouais, moi aussi je suis au chômage, mais je suis avec mes potes, gros, je suis avec toi. Ah, bah oui, non, mais moi c'est parce que maman elle veut pas que j'emmène des filles à la maison, donc c'est pour ça, après, voilà, comme là elle est partie travailler, j'aime bien appeler les gens pour discuter avec eux. Ouais, oui. Voilà. Et leur annoncer des bonnes nouvelles ou partager des informations importantes. D'accord. Voilà. Et donc alors pour le sexe dans la voiture? Bon, tu vas arrêter de nous casser les couilles. Et puis, tu vas passer une bonne soirée. Et puis, parce que nous, on bosse. En fait, nous, on bosse. C'est quand même un humour professionnel, ça, à la base. Ah bah oui, monsieur. Donc, mais bon, après, vous me dites voilà, de vous rappeler. Donc, moi, je vous rappelle. Je sais pas quel âge t'as, mais derrière ton tel, tu commences à être fatigant. Donc... 37, monsieur. Ah. Bientôt 38. 37 ans, bah, je te plains, mon pauvre. Bah, pourquoi? Donc, passe une excellente soirée et je t'en passe mon collègue. Et alors, dis-moi. Oui. Tu bandes encore, espèce de petit PD? Ah, non, PD, ça se dit pas, monsieur, c'est homophobe. Mais oui, je bande très bien, monsieur. Je me masturbe 2 à 3 fois par jour. Hein. Ah, j'en mets ça. T'as la boule bien, j'en mets. Et c'est qui te la met, en fait? C'est qui te la rentre dans ton cul, là? Ah, bah, personne, monsieur. Pourquoi vous voulez qu'on me la rentre dans le cul? Enfin, je comprends pas. C'est quoi le rapport? Bah, parce que t'as un gros fils de pute, de tête de merde, enculé de raclure de bidet. Oh non, monsieur, non, c'est très violent de dire ça. C'est pas sympa. Minable lopette. Non, monsieur, non. Dites pas ça. Mais t'aimes bien qu'on t'insulte, en fait, hein? Bah non, monsieur, c'est pas que j'aime ça, moi. Moi, je vous appelle gentiment pour essayer de partager une bonne nouvelle avec vous, et vous êtes désagréable et vulgaire, moi j'y peux rien. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est tombé. Vas-y. Bah ça dépend, vous faites l'amour dans votre voiture ou pas, monsieur? Bien sûr. Et bah oui, mais il faut faire attention, monsieur, parce qu'en fait, après, il y a des gens qui peuvent vous filmer, et puis ça finit sur les réseaux sociaux. Parce que là, à Haïti, il y a des gens, ils ont filmé, et maintenant, ils sont en prison. Ok. Voilà, moi, je voulais juste vous prévenir de ça, c'est tout. Et après? Bah après, c'est tout, monsieur, maintenant, on peut se souhaiter une bonne soirée, on se fait des poutous. Mais aucun rapport, toi. Allez. Ta mère, fils de pute. Grosse merde d'enculé, de fils de pute, de ta grand-mère, la salope, de la grosse pute de tes grands-parents qu'on va déterrer ta grand-mère. Allô. Oui, allô. Ouais. Bah écoutez, je voulais vous remercier pour tout cet amour et puis on s'embrasse fort. Vas-y, bah mais fais tomber la vidéo, fais tomber, ouais, j'ai envie de la voir. Mais à la vidéo? Ah bah non, mais elle a été retirée, monsieur, c'est trop tard là. Ouais, ouais. Mais alors tu racontes quoi, fils de pute? Bah c'est tout là, maintenant on souhaite une bonne soirée. Ah ouais, là tu parles pas tes couilles là. Hein. D'accord, je fais tout ça, monsieur. Allez, bonne soirée. Fils de pute. Ouais, fils de pute, sale pute de merde. Bah alors vous voulez plus raccrocher? Bah raccroche, fils de pute. Non, vous d'abord, moi j'ose pas. J'ose pas? Non, moi j'ose pas raccrocher. Parce que je suis. Écoute, moi je suis au sport. Allô? Ah, mais il est parti. Non, bon, pas, ils étaient quand même. Eh bien, ouais, ils étaient. Je vais garder leur numéro, je rappellerai. Je rappellerai cette société de serrures, ils ont l'air sympas. Ah, si vous avez des problèmes de serrures, appelez-nous, nous avons des numéros. Hein. Ouais, ah, bah, je pense que là, les mecs, ils peuvent dépanner dans la minute. Dans la minute, ils sont là, t'inquiète pas, ils vont débarquer, ils vont débouler direct. Ils vont t'insulter ta serrure, ça va pas très. C'est clair. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Thank you.

Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons. Vous êtes sur Énergie, bonjour tout le monde, bon réveil, belle journée. On va écouter Maroon 5 dans la playlist Énergie. Ça arrive pour vous ce matin, hein, ce mardi 13 novembre. Avant ça, c'est le meilleur de Koé. Il sera de retour cet après-midi à partir de 17h sur Énergie en direct. Ouais, 17-20h Koé sur Énergie et là, c'est le best-of. C'est Koé, c'est le before sur Énergie. Merci d'être là, c'est le moment de faire une petite révision de la télé ce week-end. Qu'est-ce que vous avez raté? Évidemment, nous allons parler des NMA, mais pas tout de suite. Miko. On parle d'abord des Marseillais avec cette candidate qui est tellement stressée qu'elle transpire d'endroits un peu bizarres. Ok, préparamos. Je transpire des prothèses de tout le corps. Je transpire des prothèses de tout le corps. Bah, vous savez quoi? C'est honnête, c'est honnête. Oui, oui. Le fait qu'elle ait dit je transpire des prothèses de tout le corps, c'est honnête. Voilà, c'est qu'il y en a partout. Le cyborg. Bah, c'est honnête, on peut pas dire le contraire. Le cyborg. Quoi d'autre? Alors on continue toujours avec les Marseillais et l'expression du jour, on la doit à Carla. Bah, y en a suivi. Après avoir fait mon petit tour de kayak, je décide de rentrer illico Macias. Illico Macias. Bah, elle est mignonne, moi j'aime bien, c'est mignon, jolie, fille de mon pays. Illico Macias. Illico Macias. Bon, on termine avec The polémique. Alors, de l'année. Hein. Avant la polémique de l'année, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, des remettants? Nous, on a remis un prix avec Manu. Je vais être honnête avec vous. Drôle. On était très contents parce qu'on l'avait un tout petit peu répété. Oui. Ouais. Parce que je vais vous expliquer un truc que vous ne savez pas sur l'énergie Music Award. Des coulisses. Qu'il faut que vous sachiez, c'est que en plateau. Ouais. On n'entend que dalle. Rien. Rien. Ouais. C'est-à-dire que Manu, qui est à 20 cm de moi, tu ne l'entends pas. Parce que tous les gens autour font ouais, ouais. Et alors, au bout, t'as Nikos, qui très très loin fait. Voilà. Et tu regardes quelqu'un qui a les lèvres qui bougent. Et dans ma tête, je me disais, pourvu qu'il ne m'ait pas posé une question. Parce qu'il n'y aurait rien de pire que le mec qui ne répond pas. Alors, Koé, ça va? Et alors, tu vois. Attends, refais-le-moi le Nikos. Quand il parle. C'est tout ce que t'entends, c'est tout ce que t'entends. Et donc avec Manu, on s'était dit on veut faire un truc naturel, pas trop lourd. Parce qu'au début, il nous avait donné un texte, je vais être honnête avec vous, on l'a pas pris. Oui. Le texte c'était en gros, moi je faisais de la télé à 15 ans, lui il est moche, et réciproquement. Voilà. Donc on s'est dit, bon, on va essayer de faire un truc où on se marre, plutôt que ça. Et merci à l'auteur, amenez-nous sa tête. Il est plus là d'ailleurs. Et vous avez remarqué qu'il y avait des textes, parce que les gens qui remettent des prix sont pas tous habitués à ça. Oui, bien sûr. Et vous avez donc de toute façon vu qu'il y avait un texte, quand il y avait Chantal là-dessous, qui savait plus où elle était, quand elle remet ses lunettes. Ah, Oh, qu'est-ce que je remets? Où je suis? Qui suis-je? Ah, est-ce que quelle suis journée, là? Jour du Seigneur, France 2, on est où? Ah, j'y arrive. Ah, non, là, le gagnant. Non, pas tout de suite! Allez, les fantastiques. Alors, donc. Bah, alors, le son, donc, la polémique de l'année, Lio et Nico sont écorché le prénom d'Aya Nakamura et elle a pas du tout kiffé. French audience is for you. Le public français est toujours là. Eminem! J'ai pas l'autre. J'ai pas un troisième son. Mais tu réécoutes pas. Mais si, je l'ai, mais moi j'ai pas le troisième son. Allez, break, on recommence. Tu vas te faire défoncer pour des bonnes raisons, toi, 15h. Ah non, si c'est bon, je l'ai. Putain, bien sûr que tu l'as, je l'ai. C'est bon, je l'ai. Avec les trois, ah, c'est moi qui me suis paumé. Excusez-moi. Jaja par Aya Nakamura. Vous l'avez chanté à la maison. Voici Yaka Nakamura. Aya, Aya, je vous ai appelé Yaka, mais Yaka demandait Aya et on a Nakamura. Cette petite chose a créé une polémique. Ah, vraiment. Aya Nakamura a dit quand on ne sait pas prononcer le nom des gens, on ne les invite pas. Hashtag dernière fois. Voilà, et là, la maison de disque, comme je disais en début d'émission, a certainement dû lui dire maintenant, peut-être que tu te calmes un peu. Donc, elle a retiré son tweet. Il y a eu des milliers de commentaires. Alors, évidemment, il y a les idiots bêtes et méchants qui n'ont rien vu et qui ont dit, ouais, t'as raison. Et puis, il y a tous les autres qui ont dit, bon, voilà. Ça arrive une erreur. Mais surtout qu'il n'en est pas à sa première erreur. Il avait déjà fait le coup à l'époque avec 50 Cent. Alors avant qu'on réécoute le son avec 50 Cent, juste, il y a deux raisons. Moi, franchement, je pardonne les deux. Lio, excusez-moi, mais c'est, pas son, ouais, c'est pas sa génération. C'est pas son truc du tout. Et Nico, s'il est sur une radio qui s'appelle Europe 1, bah, oui, il fait les infos. Aya Nakamura, il en est resté à Charles Trenet sur Europe 1. Non mais Aya Nakamura, non mais je le comprends, il n'y a pas de vanne dans ce que je dis. Non, il en a certainement jamais entendu parler de sa vie. Ouais. Et excusez-moi. C'est vrai qu'elle ne doit pas beaucoup passer même, sur Europe 1. Même moi, au début, quand on l'a reçu au tout début, tu regardes à deux fois pour ne pas écorcher le nom. Oui, ah oui, c'est compliqué. Quand tu ne connais pas, le nom, il n'est pas facile. Ce n'est pas ni Michel, ni André. Corinne. Moi, je m'appelle Chloé. Le nombre de mecs en plateau qui m'ont appelé Chloé ou Kawette. Ouais, c'est vrai. Tu vois, encore tu... maintenant. Ah, c'est comme ça, hashtag dernière fois. C'est vrai. Donc, en tout cas, tu avais raison, Miko. Il avait déjà fait la bourde à l'époque avec 50 Cent. French audience is for you. Le public français est là. Le public français est toujours là. Eminem. Voilà. C'est plus vexant parce que pour le coup 50 Cent, je vais c'est vous le dire, c'était la dernière fois et jamais revenu. C'est vrai que le mec, tu l'appelles Eminem dernière fois. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough. But you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Cause girls like you, girls like you. Énergie, désolé si je vous sors du lit là en ce moment. On est tous ensemble jusqu'à 6h, jusqu'au retour de Manu, dont 6-9 sur Énergie. Il est 5h. Et du coup, avant son retour à Manu dans 6-9 sur Énergie en direct, on sait le meilleur de l'émission. Il y a aussi vos hits préférés avec Lady Gaga et DJ Snake sur Énergie. Si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Bailame como si fuera la última vez y

Vous êtes sur Énergie, bonjour tout le monde, bon réveil, Dadju dans la playlist Énergie, la tournée qui se poursuit pour Dadju sera vendredi soir à Strasbourg. Les places à gagner sur énergie.fr pour toute la tournée partout en France. Dadju dans la playlist Énergie, Dean Lewis, et avant de le retrouver en direct dès 6h, c'est le meilleur de Manu dans le 6-9 sur Énergie. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie. On va se raconter des histoires qui terminent par... Et là, heureusement que personne ne m'a vu. Ouais. Il nous arrive des choses, de faire des choses et on se dit ouf, heureusement que personne n'était là, heureusement qu'il n'y a pas de témoin. Ouais. 0870 42 48, vous pouvez nous appeler, on démarre. Et c'est d'où l'idée de ce sujet. Ouais. On démarre avec Nico qui a une très belle histoire. Ouais. J'ai un peu honte, mais c'est vrai qu'un jour, j'étais sûr que ma femme ne serait pas chez moi. Elle était partie travailler. Ouais. Et j'ai essayé du coup un paquet de ses sous-vêtements. Bon, allez. Mais genre la totale. Hein. Mais je suis fait vraiment plaisir. Et effectivement, heureusement que personne ne t'a vu, mais j'avoue que une petite photo. Ah non, non. Ça j'ai pas osé. Alors tu sais quoi, pour te faire du bien, sache-le, je l'ai fait aussi. Ouais. Alors, je n'ai pas passé une après-midi. Moi j'ai vraiment, il y avait les culottes, coton, dentelle, soie, j'ai tout essayé quoi. J'ai fermé les volets. Vous vous rendez pas compte parce que des sous-vêtements ça coûte très cher et vous nous les déformez à faire ça tous les deux. Hein. Ça va. Rendez nos sous-vêtements. Hein. Non mais j'ai pas passé une journée avec, j'ai essayé vite fait les trucs. Voilà. J'ai tout essayé quoi, même les bas. Je comprends pas, ça sert à quoi en fait? Mais parce que on veut comprendre. Bah oui. On veut savoir ce que ça fait et tout. On n'a pas le droit, on a que des caleçons. Non mais c'est vrai que moi j'avais essayé, j'avais mis une culotte et un soutien-gorge. C'est drôle. J'étais devant le miroir en me disant tiens, ouais, qu'est-ce que ça fait? Ok. Voilà. Mais effectivement, heureusement que personne ne nous a vu. Maintenant, si ça vous plaît, Nico et Glandu, on se fait des après-midi à la maison. Ah ouais, ça se tente. On se ramène chacun des fringues et on se fait des petits défilés. On a Laura qui est avec nous au téléphone. Bonjour Laura. Bonjour Nani, bonjour les Wawins. Salut. Coucou. Bienvenue sur Énergie Laura. Il t'est arrivé quelque chose, tu as fait quelque chose et tu te dis heureusement que personne ne m'a vu. Oui, allez, bah moi c'est en allant à Rancard avec un mec. J'ai éternué dans l'ascenseur et en fait je m'en suis mis plein les doigts. Oh, et comme j'avais pas de mouchoir, bah, je me suis essuyée sur la moquette de l'ascenseur. Oh, oui, heureusement personne ne t'a vu. Là. Heureusement personne ne t'a vu, mais pourquoi tu nous racontes? Ouais. Mais c'est compliqué. Mais ce truc de je sais pas comment m'essuyer, c'est arrivé à tout le monde. Ouais. Après, dans un ascenseur sur la moquette, c'est arrivé qu'à toi. Oh. Merci de nous avoir appelé, Laura. Paulette? J'ai perdu ma jupe en arrivant à la radio la semaine dernière. Vraiment, non. Mais heureusement qu'il n'y a personne. Attends, comment tu peux perdre ta jupe? Alors, on pourrait se dire, elle a maigri, elle a perdu sa jupe. Non, c'est pas le cas, j'avais des boutons à pression dans le dos et en me baissant, tous les boutons ont sauté. Et c'est tombé. Et c'est tombé, quoi, net. Oh. Mais où? Dans ici, là? Dans l'entrée de la radio, ouais. Oh. Là où il y a la caméra de sécu qu'on peut retrouver, alors. Non. Je lance l'idée comme ça. Qu'on m'amène tous les enregistrements de sécurité de l'année dernière. On a Louise qui est là au téléphone. Bonjour Louise. Bonjour Manu. Bienvenue sur Énergie. Tu as fait quelque chose, il t'est arrivé quelque chose et heureusement que personne t'a vu. Ouais, carrément. Bah, moi, il y a quelques week-ends de ça, j'ai eu une coupure d'eau un dimanche et j'habite en pleine campagne. Et j'avais pas anticipé, j'ai pas fait le stock de boissons, donc je me suis retrouvée avec rien du tout à boire, pas d'eau, rien. Et du coup, je suis allée chercher de l'eau dans le réservoir chasse d'eau des toilettes. Heureusement que personne ne m'a vu. Oh, wow, faut oser hein. Mais elle est potable l'eau des toilettes du coup, c'est la même eau. Oui, puisque c'est de l'eau du robinet qui remplit ton réservoir. Donc bon, voilà, c'est l'état où je m'aurais soif hein. Bon, c'est une barrière psychologique parce qu'en soi le réservoir des toilettes, il est pas sale le truc. Non, c'est vraiment juste psychologique quoi. Tu te dis mais après c'est vrai que c'est bien de le faire seul quoi. Propose pas ça à tes invités quand ils arrivent à la maison. Vous voulez un peu d'eau ou ça? Frigo américain. J'espère que les prochaines shots auront les glaçons. Merci de nous avoir appelé Louise. Tout à l'heure, 6h, 9h30, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Lyon, un peu de respect, faut respecter. Quand une lionne arrive à tout gérer, un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ou femme mariée, ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Elle dit jamais son dernier mot. Et tu peux lire sous ses paupières, déterminée. Elle agit, elle ne parle pas, y'en a pas. Mais si tu lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer. Si tu lui donnes la richesse d'un homme, elle va tout assumer. Elle mettra toujours la famille d'abord. Elle va tout assumer. Le genre de femme qui

Maman m'a dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car maman m'a dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, s'attendre à merci. Vie ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme inutile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse. Maman m'a dit de ne jamais oublier d'où je venais, mais surtout qui j'étais. On avait peu, mais on savait donner. Elle m'a toujours dit chez nous, l'accueil est inné. Sois ce que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué, mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Maman m'a dit le monde, il est fêlé. Change avec ton humanité, c'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse. Maman donne meilleur conseil que la nuit. Maman donne meilleur conseil que la nuit. J'ai dit maman donne meilleur conseil. Maman donne meilleur conseil que la nuit, à la vie, à l'amour. Donc danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie, à l'amour. Vous êtes sur Énergie, bonjour tout le monde, j'espère que ça va ce matin, ouais, que vous êtes en pleine forme, que vous avez bien dormi, direction le taf là pour pas mal d'entre vous avec LSD dans la playlist Énergie. Ouais, c'est un petit classique de Martin Solveig aussi avant la météo dans moins de 10 minutes. Et le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie, il est de retour en tout à l'heure en direct dès 6h. Il va même doubler votre salaire à 7h05 et 8h05. Ouais, chanceux hein. Inscrivez-vous à énergie.fr, là c'est le meilleur de l'émission. Énergie. Manu dans le 6-9 sur Énergie. On va faire un petit jeu. Ouais. Complétez cette phrase et là je m'adresse à toutes les filles. Mon mec adore quand. J'ai trouvé comme ça sur un forum en fait. Les gens ont commencé à faire ça, donc les filles ont mis. Et écoutez bien par exemple. Mon mec adore quand je le laisse gagner au bowling et qu'il sait que je le fais exprès. C'est drôle. C'est mignon. Ouais. Mon mec adore quand je porte des collants à motifs, surtout à poids. Ah oui. Ah ouais. Vous fantasmez un peu sur ça. Hein. Parce que moi j'ai connu deux mecs pareil qui étaient fans de collants à poids. Donc toi à partir de deux personnes tu fais un truc général. Général. D'accord. Okay. Ouais. Alors non, on n'est pas tous comme ça. Ah d'accord. Ça. Okay. Ouais, c'est vrai que le collant à poids. Ouais, ah, c'est mignon quand même. Ouais, t'as raison. Mon mec adore quand je tire une bière. Ah bon? Ah, ouais, c'est quand je prends une bière pression, c'est le côté là, claque. Sexy, quoi. Hop, hop, avec le bras comme oui. Ça. Ah, ouais, c'est ouais. Le côté, il se fait servir, quoi. J'adore ça. Ah, ouais, c'est raison, c'est ça. C'est peut-être ça. Mon mec adore quand je sais déjà quoi commander quand le serveur du restaurant arrive. Ah, bah oui. Ah, mais j'adore aussi. Hein. Ah, ouais. Je crois que tous les mecs adorent, enfin, tous les ouais. Meilleurs fantasmes oui. Qu'un jour leur copine leur dise oh, ouais, c'est facile, aujourd'hui je vais prendre ouais. Ça. C'est rare. Quoi ? Tu demandes pas à changer la garniture ? Tu demandes pas si les frites sont faites maison ? Tu demandes pas à ce que ton steak soit recuit encore un petit peu parce que tu trouvais qu'il était pas assez cuit. Ça, et du coup, tu vas être complètement satisfaite et pas piquée dans mon plat. La liste là, c'est pour vous en prendre à nous en fait, c'est ça. Ah c'est non, peut-être qu'on vous en prenne plein la tête. Ça s'appelle de l'expérience de vie. Ouais. Une petite dernière. Mon mec adore quand je ris fort parce que ça me fait péter. Oh. Oh. Non. C'est bizarre. Je pense qu'on va pas faire une généralité là non plus. Ah là si, on peut. Il y a Suzy sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9 qui nous dit: mon mec adore quand je suis un peu pompette parce que j'imite Céline Dion avec l'accent québécois. Oh. Ça peut être rigolo. Ouais. Manon sur Twitter aussi dit: mon mec adore quand je mets mes lunettes de vue pour lire, ça le rend fou. Ah ouais. Isabelle? Mon mec adore quand je prends une mèche de mes cheveux et que je me fais une moustache avec. Alors, je prends une mèche, faut imaginer, je la mets sous mon nez, je la bloque avec ma bouche comme ça. Je vous montrerai une photo si vous voulez. Et après, je fais tournicotis. Isabelle, on a compris. Si tu veux continuer à parler, il n'y a pas de problème. Mais il y a des psys pour ça. Hein. Ok. Ophélie, bonjour. Salut Manu, salut l'équipe. Bienvenue sur Énergie, Ophélie. Qu'est-ce que ton mec adore? Mon mec adore quand je joue avec lui aux jeux vidéo, surtout aux jeux de combat. Bah c'est vrai que du coup vous partagez un moment ensemble, hein. Bah c'est ça, en fait je jouais pas aux jeux vidéo avant qu'on soit ensemble et maintenant je joue avec lui. Bah voilà, c'est quoi de plus beau que de partager ce petit moment où on tire sur des gens. Ce n'est que dans les jeux vidéo, hein. C'est important. Voilà. Merci de nous avoir appelé, Ophélie. Paulette, tu me regardes, mais tu l'as. J'ai pas de mec, non, j'ai rien à vous annoncer. Mais mon ex, du coup. Ah, ton ex, ça marche, ouais. Vas-y, qu'est-ce qu'il adorait? Il adorait quand je mettais des bottes de pluie. Il adorait. Dès que je mettais des bottes de pluie. Mais les bottes basiques, là, les bottes vertes de pluie, quoi. Oui, il adorait. Il avait une sorte de fantasme des bottes de pluie. Ah, c'est drôle. Mais juste ça, c'est que t'étais nu avec des bottes de pluie, ou c'est quand t'en mettais pour. Ah, non. Moi, je mettais la totale, le ciré, le parapluie. D'accord, oui. Ah, ouais. Mais du coup, t'as déjà fait l'amour avec des bottes de pluie? Non. Non, j'ai pas voulu. Mais lui, c'est vraiment. Ah, lui, il aurait. Ça l'aurait. J'imagine la scène, c'est bizarre. Paulette toute nue sur un lit avec les bottes de pluie. N'imagine pas. Amandine, bonjour. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Salut. Ton mec adore quand quoi? Alors, moi, mon mec adore quand je fais de la peinture en petite culotte. Ah, c'est précis, hein. Mais de la peinture, c'est-à-dire que tu fais, parce que tu es peintre artiste ou quand tu fais de la peinture sur un mur? Non, sur un mur, parce qu'on a acheté une maison et du coup, on fait plein de travaux. Et du coup, quand je peins, je me mets en petite culotte. D'accord, mais il y a une raison particulière, c'est que t'as pas envie de peindre en fait, et que tu te dis, là, il va venir. Hein. Non, c'est pas pour salir mes fringues, mais du coup, après, ça fait Valérie D'Amido en plus sexy. Ouais. Son mec, jusqu'à la fin de sa vie, il va construire des murs. Allez, vas-y, elle va arriver un jour, Amandine, elle va dire, ça y est, c'est terminé. Ah, faut déménager. C'est un peu ça, ouais. Merci de nous avoir appelé, Amandine. Belle journée à toi. Tout à l'heure, 6h, 9h30, Manu. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. All I need is one more man lives in the hood. But if you got it all, just turn your fears into trust, to trust. Words of love when all is said and done. Hanging out with your hands in the air, I'ma go for your stuff. You say those words like you hate me now. Our house is burning when you're gazing low. Here in the ashes, your soul cries out. Don't be afraid of these where did love go when all is said and done? Where did love go? You put the running into I'm

the blood in my head won't break it. I can taste it. The end is upon us. I swear I'm gonna make it. I'm gonna make it. Énergie, j'espère que ça va bien ce matin. Bon réveil tout le monde, belle journée. Bon, si vous êtes encore sous la couette, là, tranquille, restez avec moi là, 2-3 minutes, le temps de se faire le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Il est de retour en direct juste avant 6h tout à l'heure. Et puis bah, juste derrière, on écoute que Black sur Énergie. Bon réveil, c'est mardi. Manu dans le 6-9. Manu. Sur Énergie. On va se faire un ça ou ça. Yes. Ouais. Le principe est simple, on dit deux choses et les autres doivent décider entre les deux. Qu'est-ce qu'ils préfèrent, ça ou ça? Allez, Nico, vas-y. Yes. Glace pilée ou glaçon, tout court? Glace pilée ou glaçon? Ouais. Ça dépend, pour le mojito, glace pilée. Ah ouais, c'est non, ça. Non, non, quoi, ouais. Non, quoi. À chaque fois, la glace pilée, t'as des petits morceaux qui se bloquent dans la paille, là, c'est insupportable. Ah bah, c'est plus de la masse pilée, là, c'est de la glace écrasée complètement broyée. Là. Ouais, ouais. Moi, j'aime pas. Mais moi, j'aime bien manger des glaçons. Des vrais, des gros glaçons, tu vois. Je les mets dans ma bouche. C'est bien connu, le fameux régime glaçon, oui. Ouais. C'est marrant. Donc, je dirais plutôt glaçon. Bah, c'est marrant, oui, quand t'as pas d'amis et que t'es seul chez toi, tu dis tiens, j'ai passé le temps à sucer des glaçons. C'est bizarre. Oui. Alors, moi, ça serait plutôt théâtre ou opéra. Théâtre ou opéra? Non, parce que là, on discutait des glaçons. Ah, j'ai cru que tu voulais que j'enchaîne, c'est pour ça. Justement. Moi, je voulais rien. Isabelle, parfois, c'est assez bizarre. C'est comme si elle était déconnectée de l'émission. C'est ça. Qu'elle a un truc en tête. Et qu'elle veut absolument faire un ça ou ça, et que tout ça, nous, mais elle s'en fout de ce qu'on dit. Mais au moins, c'est très clair, effectivement. Le glace pilé au glaçon, c'est j'en ai rien à foutre. On l'a fait chier. Mais en revanche, elle veut nous sortir un autre truc. C'était quoi ton ça ou ça? Ça me tient tellement à cœur. Théâtre ou opéra? Alors, tu vois, elle a vraiment se fait chier. C'est tellement pas nous. Théâtre ou opéra? Mais tu sais que c'est énergie ici. Ouais. Bah oui, je sais. À quel moment tu te dis, tiens, théâtre? Ou opéra? Elle s'est trompée. Où est-ce qu'on va ce soir, chérie? Au théâtre ou à l'opéra? Moi, je serais plutôt opéra. Non, mais on va pas. Non, mais non, rajoute pas. Ah bon, filles, ouais. D'accord. Oh, non, mais là, on passe à autre chose. Là. Ok, d'accord. Mais non, on se fait une émission entre mecs. Elle est bien polaise. Elle est glandue, t'as une proposition? Ouais. Voyage aventure ou club all inclusive? Ah bah, et club all inclusive. Ah, bah oui. Ah ouais, bah oui. Oh, c'est pas drôle. Ah non, mais moi je peux être aventurier sur certains trucs, mais pas sur les vacances. Ah non. Ah non. Je ne veux pas prendre le risque, en fait. Je sais que si, j'aime bien aller. Non, mais c'est vrai, j'avoue. Oh là là. J'aime bien aller dans un endroit en vacances où j'ai rien à foutre. Ah ou, ouais, c'est pas drôle. Ouais, je me repose vraiment. Ouais, tu manges, tu dors, tu bois un coup. Je l'ai fait. Hey, j'ai été scout. Je les ai fait les marches. Ouais, je les ai fait les explos. Ça s'appelait les explos. Je me rappelle, on partait 3 jours, on avait une carte et une boussole. C'est ce que c'est qu'un azimut? Non, alors. Alors, maintenant j'ai mérité, all inclusive. Katia, bonjour. Salut Manu, salut les wouah. Bienvenue sur Énergie, Katia. On écoute ton ça ou ça. Alors, moi, mon ça ou ça, c'est dormir collé ou dormir séparé avec son partenaire. Bah, collé à 2000% en fait. Ah non, mais collé quand il fait chaud. Ouais. Ah non, ouais, moi j'adore ça, quoi, le câlin, quoi, c'est trop bien. Non, mais le câlin, c'est pas le câlin, c'est que t'as l'impression d'avoir un radiateur. Mais, oui, mais tu dors sans couette, t'enlèves la couette. Mais au moins t'es bien, quoi. Moi je dors trop mal, moi c'est séparé, et parfois avec mon ex, je mettais un petit oreiller entre nous deux pour faire la séparation. Non, moi vraiment je supporte, je peux pas m'endormir si on me touche. Si même un bout de doigt qui me touche, je peux pas m'endormir. Mais à ce moment-là, faites chambre séparée. Là, on est d'accord, du coup, ça fait quelques mois que tu dors très très bien. Ouais, elle dort bien, ouais. À ce niveau-là, oui. Je suis désolé. Ça lui fera plaisir si elle nous écoute. Ouais, elle dort bien. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Énergie. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle me dit, je t'aime, mais je suis sonné. Complètement sonné. Elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle pense au mariage, mais je suis sonné. Sonné.

Non, c'est le vendredi 13. Quelques jours, ouais. Oh, je me suis fait une frayeur tout seul. Soyez les bienvenus, on démarre l'émission dans 5 minutes. Mais avant ça, c'est le club du 555. Comme chaque jour, on est là à 5h55. Un club dont on commence de plus en plus à me parler. Ah ouais, c'est vrai. Autant l'émission, non. Ouais. Autant le club du 555. Et parce que c'est un club très privé. Oui. C'est oui. notre moment à nous. Et les gens commencent à le savoir. Et les gens se passent le mot. Souvent, il y a des gens qui mettent sur les sites internet un petit peu, il est dans le darknet. Oula. Les gens mettent des extraits du club du 555. Ah, oh, là. Ah, ouais. Tu connais le 555? Non, je connais pas, c'est quoi? Bah, tu vas voir. Non, ça commence à devenir. Ça commence à devenir son. Ça fait le buzz. Et tous les matins dans le club du 555, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se fait plaisir. On se fait plaisir, on s'écoute un titre qu'on écoute pas, qu'on va pas écouter dans l'émission, qu'on n'a pas écouté hier. Et samedi, je vous le rappelle, nous étions à Energy Music Awards. C'était entre 10h et 13h. Plein d'invités, plein de stars, plein d'artistes qui ont chanté avec nous. Et j'avais envie d'écouter Jennifer ce matin. On aime. Elle a fait une version spéciale de Mon Idylle, c'est son dernier hit. Et je me dis, vous étiez pas là, c'est quand même con de pas l'écouter. Vous seriez parti au travail aujourd'hui en vous disant, rien de spécial. Voilà. Évidemment que c'est spécial. Ouais. La version de Mon Idylle de Jennifer au Energy Music Awards, c'est pour vous. C'est maintenant et on démarre juste après, dans 3 minutes sur Energy. Bon réveil. Energy Music Awards dans notre émission spéciale qu'on a fait samedi entre 10h et 13h et vous pouvez retrouver tous les lives, toutes les vidéos sur manudansle69.com. Il est pile 6h. Qu'on amène le coq et qu'on démarre cette journée. Energy.